السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le cours numéro 5. Nous sommes arrivés au cinquième cours. Nous sommes toujours dans l'explication de Juz Tabarak, et nous avions fini l'explication de Surat Al-Mulk, la royauté, et nous avions commencé, walhamdulillah, l'explication de Surat Al-Qalam. Naam. Et nous avions vu dans les premiers versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte à travers ces versets qui sont énormes, qui sont azimah. Il nous raconte ce qui s'est produit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec les associateurs et les mécréants de son peuple Quraysh, lors de la descente du Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le raffermissement et lui a donné la force et la victoire dans cette dunya et dans l'au-delà. Et nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. » Dans la traduction approximative, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, du jardin, qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Il y a dans ces versets une parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée des mécréants de Quraysh, pour les mécréants de Quraysh et les associateurs qui étaient dans les bienfaits et qui étaient en sécurité autour de la Kaaba, à la Mecque. Ils étaient dans le confort de la vie. Ils avaient l'honneur. Sauf qu'ils ont mécru en ce bienfait lorsque le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur est venu, les appelant à Allah subhanahu wa ta'ala, les appelant au tawhid, et en interdisant l'association. Et est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers eux afin de leur apporter la félicité et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais ils ont mécru en ce bienfait. Ils sont donc à l'exemple des propriétaires du verger, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des gens de la Mecque dans un autre verset: Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et Allah propose en parabole une ville c'est-à-dire la Mecque. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment, donc, les saisit parce qu'ils étaient injustes. Fin du verset. Donc les mécréants de Quraysh, les associateurs, sont à l'exemple des propriétaires des vergers qu'Allah a mentionné lorsqu'il a dit, dans le premier verset de Sourate Al-Qalam, dans le qu'on a cité, Afwan, Inna balaunahum, et Allah propose en parabole cet exemple. Il dit, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger. C'est-à-dire, nous avons éprouvé, nous avons testé les gens de la Mecque, comme nous avons éprouvé les propriétaires de ces vergers. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a raconté, comme il est venu dans le tafsir de certains des salafs, que les propriétaires de ces vergers, il y avait dans la terre du Yémen, d'autres ont dit que c'était fil Habasha, c'est-à-dire en Abyssinie. D'accord? Un homme parmi Ahlul Kitab, les gens du livre. Il était un musulman croyant. Et cet homme donnait aux pauvres une partie de ses fruits, de ce qu'il récoltait. Allah subhanahu wa ta'ala alors lui a mis la bénédiction et lui accorda le bien pour lui et pour les pauvres du pays. Et lorsque cet homme décéda, ses enfants hérita de ce verger. Les enfants de cet homme hérita de ce verger, de ce jardin immense. Mais ils l'utilisèrent dans le mal. Et il mit la faute sur leur père en disant, pourquoi l'a-t-il utilisé pour les pauvres? Ils dirent, le verger nous appartient. La récolte nous appartient. Les fruits qu'il produit nous appartient. Nous voulons que personne les prenne. Et nous ne voulons pas partager. Ils se sont donc résolus dans cette mauvaise intention. Inna balaunahum kama balauna ashab al-jannati idh aqsamu. Il, Aqsamu, qui avait juré, c'est-à-dire qui avait juré de faire ce mauvais plan, cette stratégie, cette mauvaise stratégie, cette mauvaise intention. Quelle est-elle? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, La yasrimunnaha musbihin. D'en faire la récolte au matin. C'est-à-dire qu'ils feront la récolte le matin très tôt, afin que les pauvres ne savent pas. Et qu'ils ne feront pas la récolte comme le faisait leur père à la même heure, afin que les pauvres y participent. Ils ont donc juré de faire la récolte de ce verger avant que les gens se réveillent, afin que personne ne vienne à eux par la suite. Alors que leur père faisait la récolte la journée et il ouvrait la porte aux pauvres et se produisait ainsi beaucoup de biens pour lui et pour les pauvres. Pour cet homme et pour les pauvres. Tandis que ces enfants, ceux-là, ont comploté avec une mauvaise intention. Ils ont donc fait la récolte très tôt, contrairement à l'habitude de leur père. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Sans dire si Allah le veut. C'est-à-dire, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire Inch'Allah, si Allah le veut. Wala yastathnoun. C'est-à-dire, sans dire si Allah le veut dans leur serment. Car ils prétendent qu'ils avaient la capacité, ils avaient le pouvoir et que personne ne les contesterait. Mais ils ne savaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'affût de leurs faits et gestes. Et que le châtiment allait descendre sur ce verger. ce verger, ce jardin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Une calamité, un fléau, de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. C'est-à-dire une calamité tomba sur le jardin, sur le verger. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descendue sur eux. Une armée parmi les armées d'Allah, c'est-à-dire les anges, il ordonna aux anges de brûler le verger et de détruire et de raser le verger, le jardin, pendant la nuit. Wahum na'imun, pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, c'est-à-dire les propriétaires du verger, ils dormaient. Et ils ne pensaient pas que rien de cela allait se produire, car ils prétendaient avoir la force et la capacité et le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم » Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. « فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم » Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé, c'est-à-dire comme une nuit obscure, il n'y avait plus rien, brûlé, tout noir. Au lieu d'être un magnifique jardin qui était productif et mûr, il était rasé. Les arbres et les fruits avaient disparu. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le châtiment. Alors qu'il dormait. Il ne se doutait même pas de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « Fatanadaw musbihin »« Fatanadaw musbihin » Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils s'interpellent le lendemain les uns les autres afin qu'ils partent de bonne heure. Hein, ils n'étaient pas au courant. Donc afin qu'ils partent de bonne heure pour faire la récolte. Hein, afin de préparer leurs plans et leurs stratégies mauvaises, afin que les pauvres ne prennent pas de leur récolte. Mais l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala les a précédés durant la nuit. D'accord ? Ils s'appelèrent les uns les autres et dirent, dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, « Anirdou » Ala harthikum in kuntum sarimin. Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. C'est-à-dire partez de bonne heure afin de faire la récolte avant que les pauvres se réveillent. Car ils ne savaient pas que la récolte avait été rasée. Quand ils dirent cela, Allah subhanahu wa ta'ala il continue, il dit Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse. C'est-à-dire, ils partirent donc vers le verger, au rendez-vous habituellement, qu'ils s'étaient donné, tout en parlant entre eux à voix basse, en secret, afin de ne pas s'acquitter du droit d'Allah. Afin de ne pas s'acquitter du droit d'Allah. Ils dirent, dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se disaient cela entre eux en secret, à voix basse. Pourquoi? Afin que les gens ne les écoutent pas. Ils s'enjoignaient mutuellement de ne pas donner aux pauvres, dû à leur forte avarice. Ils se parlaient à voix basse en disant « Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui ». Ils disaient cela à voix basse de peur qu'une personne n'entende et en informe les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite « Wa ghadaw ala hardin qadirin ». Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice, c'est-à-dire envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. C'est-à-dire, ils partirent avec cette mauvaise intention. Ils partirent dans cette situation qui est laide, mauvaise, et cette cruauté sans pitié, convaincus que cela était en leur pouvoir, convaincus de leur mauvais plan, convaincus car ils prétendaient, comme on a vu, avoir la force et le pouvoir de priver les pauvres du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu al-musta'an. Mais lorsqu'ils arrivèrent au verger, au jardin, ils regardèrent cette mauvaise vue. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ. Puis quand ils le virent, c'est-à-dire le jardin, ils dirent vraiment nous avons perdu notre chemin. C'est-à-dire quand ils virent le jardin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, c'est-à-dire quand il était tout rasé, brûlé, ils dirent vraiment nous avons perdu notre chemin. C'est-à-dire ce n'est pas notre jardin, nous nous sommes trompés. Ils étaient en pleine confusion et anxiété. Qu'ils s'étaient trompés de jardin, et peut-être que c'était un autre jardin. Mais lorsqu'ils vérifièrent, lorsqu'ils réalisaient que c'était bien leur verger, et après avoir repris leurs esprits, Ils dirent, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite dans le verset suivant, Bal nahnu mahrumun. Ou plutôt nous sommes frustrés. C'est-à-dire ceci est notre verger, mais nous sommes ruinés, privés. Ils ont su à ce moment-là que c'était un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, قال أوسطهم ألم أقل لكم لو تسب لو لا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous aviez rendu gloire à Allah? C'est-à-dire le plus juste d'entre eux, c'est-à-dire le plus équitable d'entre eux et le meilleur dans sa conduite parmi eux, il dit alors, ne vous avais-je dit pas si seulement vous aviez rendu gloire à Allah, c'est-à-dire exempté Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne lui convient pas, comme défaut et manquement. Le fait que vous avez pensé que votre pouvoir est indépendant de sa volonté, ne vous avais-je pas dit, pourquoi ne dites-vous pas si Allah le veut, afin de ne pas violer votre serment? C'est-à-dire lorsqu'ils ont juré, ils n'ont pas dit si Allah le veut. Donc cet homme, il les a réprimandés sur cela. Il leur a rappelé qu'il leur avait dit de dire si Allah le veut lorsqu'ils ont juré et d'être reconnaissants envers Allah de ce qu'il leur a octroyé comme bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, « قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » Ils dirent, « Gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. » C'est-à-dire, à ce moment-là, ils se rendirent compte de leurs péchés, de leurs erreurs. Et ils ont regretté et ont glorifié leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela après que le châtiment s'est produit sur leur verger. Cependant, le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit dans l'explication, il dit « Cependant, il est possible que leur glorification et leur reconnaissance de leur faute, leur injustice envers les pauvres, peut-être que cela leur sera bénéfique pour alléger leurs péchés et leur serviront de repentir. » Et c'est pour cela qu'ils ont fortement regretté. Lorsqu'ils disent après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ » Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. C'est-à-dire comme est l'habitude des gens. Aujourd'hui, on voit l'habitude des gens. Wallahu al-musta'an. Lorsque leur objectif, leur but, leur est passé à côté, ou leur est passé sous le nez, comme on dit, ou lorsqu'ils sont touchés par un malheur, lorsqu'ils sont éprouvés, il ne leur reste que le fait de se blâmer. Ils se sont donc réprimandés les uns les autres de ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit ensuite, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, « قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَارِينَ » Ils dirent, « Malheur à nous, nous avons été des rebelles, tarines. » C'est-à-dire, nous avons outrepassé les limites d'Allah, nous avons transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons transgressé celles de ses serviteurs. Lorsqu'ils n'ont pas donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas donné aussi aux pauvres. Donc ils dirent ensuite, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, « Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun » Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur, c'est-à-dire que leur espoir n'a pas cessé. Ils n'ont pas cessé d'espérer. Ils ont espéré qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur remplace par quelque chose de meilleur. Et ainsi, barakallahu fikum, doit être le musulman et la musulmane. Lorsqu'il est touché par un malheur ou par une épreuve, il ne doit pas perdre patience. Il ne doit pas être impatient, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Ils ont espéré et ont promis à Allah subhanahu wa ta'ala de revenir vers lui et de rechercher sa satisfaction. Et s'ils sont comme ils disent réellement, ce qui apparaît est que certes Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé par quelque chose de meilleur dans ce bas monde. Car pourquoi? Celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec véracité, et désire revenir à lui, se repent et espère en Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoque sincèrement, il lui donne ce qu'il désire. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce qu'il désire et exaucera son invocation. Et exaucera son invocation. Comme cela, il doit être hein, le musulman et la musulmane. Lorsqu'il est touché par un malheur, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il a fait un péché, tout le monde fait des péchés. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit espérer. Il doit se repentir. Il doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être meilleur. Hein, il doit l'invoquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il l'invoque avec sincérité, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui exaucera son invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en montrant justement ce qui s'est produit, il dit « كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » Tel fut le châtiment. Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. C'est-à-dire, tel fut le châtiment, كَذَلِكَ الْعَذَابُ, tel fut le châtiment dans ce bas monde pour les propriétaires du verger, comme on a vu. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur eux un châtiment, en détruisant, en rasant leur jardin. Et ainsi est le châtiment dans ce bas monde pour celui qui désobéit à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est avare et ne dépense pas dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé comme bienfait. Et qui ne donne pas le droit aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi est le châtiment de ceux qui ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Mais le châtiment de l'au-delà est plus grand encore. Akbar. C'est-à-dire qu'il y a un autre châtiment, mais encore plus grave, celui dans l'au-delà, le jour du jugement. Pour qui ? Pour celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala et ne se repent pas. Pour celui qui n'est pas reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. C'est-à-dire, certes, celui qui sait, il est obligatoire à ce moment-là pour lui d'être éloigné de toutes les causes qui impliqueraient le châtiment d'Allah. Il est obligatoire pour la personne d'être éloigné de s'éloigner de toutes les causes qui impliqueraient le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le priveraient de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a raconté ici l'histoire des propriétaires du verger. Des propriétaires du verger. Hein? C'est-à-dire qu'on avait dit que les gens qui étaient ces propriétaires du verger qui se trouvaient soit au Yémen, c'était parmi les gens du Yémen, comme on dit certains salafs ou certains ont dit en Abyssinie, hein, et ils faisaient partie des gens du livre. D'accord? Et leur père, alhamdoulilah, était sur un droit chemin, sur un droit chemin, hein, et il faisait du bien. Mais lorsqu'il mourra, hein, il leur laissa le jardin à ses enfants, mais ils l'ont utilisé dans le mal. Wallahu al-musta'an. Naam. Donc il est obligatoire pour le musulman ou la musulmane, lorsque sa famille hein, lui laisse, hein, les choses, c'est-à-dire qu'il hérite d'une chose, hein, bien sûr qu'il doit l'utiliser, il est obligatoire pour lui d'utiliser dans le bien, hein, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, et après avoir parlé justement des associateurs et des mécréants, hein, de Quraysh, il dit « Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im » Hein, il va parler ensuite hein, des pieux. Et on verra, inshallah ou ta'ala, par rapport à ce verset. On continuera, inshallah ou ta'ala, la semaine prochaine. Et on essaiera de finir en même temps la sourate al-Qalam. Naktafi bihad al-Qadr. On se contente de cela, inshallah ou ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. Et on se retrouve inshallah wa ta'ala la semaine prochaine pour le cours suivant. حياكم الله.